pastel. Je me méfie de ces régimes. Je me méfie qu'on voit dans elle. Je me méfie des magazines. Je me méfie de ces Renault. Je me méfie de ces Citroën. Papa, j'aime les filles de l'autre. J'aime les filles sans papa. J'aime les filles de Meusel. J'aime les filles de Saint-Tropez. J'aime les filles qui font la grève. J'aime les filles qui vont camper. J'aime les filles de Camaret. J'aime les filles intellectuelles. J'aime les filles pour marrer. J'aime les filles qui font vieille France. J'aime les filles de cinéma. J'aime les filles de l'assistance. J'aime les filles dans l'embarras. Téléphonez-moi. Si vous êtes comme ci, téléphonez-moi. Si vous êtes comme ça.